multiples d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolight.qc.ca. Ah, j'ai réussi l'année passée. J'avais pas réussi même jusqu'à la fin de la dernière émission en avril-mai dernier. Puis là, je m'étais promis de me pratiquer tout l'été. Bienvenue au Grain de Sable. Ici Jean Cloutier à l'animation et avec le chroniqueur hebdomadaire, souhaité en tout cas, Étienne. Salut. Salut Étienne. Alors, vous savez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé cet été. Un exemple, plus de 40 interventions, intervenants, ont été enregistrés au Forum social mondial qui se déroulait à Montréal au début d'août. Oui. C'est la première fois que ça se faisait en Amérique du Nord. Vous en avez sûrement entendu parler, en tout cas, à Grain de Sable l'année passée, à d'autres émissions comme le 8e continent, d'autres émissions, vraiment, je ne sais pas, j'étais pas ici à Québec, encore moins à CKRL, pendant que le Forum se déroulait en début d'août, du mardi 9 août, en pleine marche, on voulait approcher le plus de monde possible. Il y avait au moins 5000 personnes qui marchaient dans les rues de Montréal. Un trajet déterminé bien connu, là. On est passé par le parc Hamelin, on est passé par la rue Sherbrooke, évidemment. Donc, on est arrivé dans un parc. Et tout ça s'est terminé le dimanche suivant au parc Jarry. Ça a fini par des activités vraiment où on cherchait des pistes d'action. C'est bien beau, ça a parlé pendant plusieurs jours. Il y a eu plus de 1500 conférences, pas des farces, pas des blagues. Il y a eu beaucoup d'activités. Plus de 5000 groupes de partout dans le monde étaient impliqués. Tous les continents étaient représentés. Jamais entendu autant parler de langue en si peu de temps. Beaucoup d'espagnol. La traduction était simultanée, instantanée. Des fois en petit groupe de deux, des fois en groupe de 500. Donc, de l'anglo-français à l'espagnol, en passant par le portugais. Vraiment, on s'est baigné, Étienne. Il y avait aussi Dominique Bernier, que vous pourrez avoir avec nous la semaine prochaine, qui va aussi donner son opinion sur le Forum social mondial. On aura en deuxième partie de cette première demi-heure Baptiste Gaudry, très impliqué, qui nous parlera de comment Attaque Québec s'est impliquée et est-ce qu'il y avait d'autres attaques, d'autres groupes à travers le monde. La France était très bien représentée, mais d'autres pays, nous en parlera un peu plus. En deuxième demi-heure, eh bien, juste en revenant justement du Forum social mondial où beaucoup de personnes comme moi étaient gonflé à bloc, eh bien, je suis allé manifester devant le Parlement avec Stop Pipeline et il y avait des maires de partout du Québec pour arrêter ce pipeline et ses projets. Et mon coup de cœur cet après-midi-là, c'est une toune que J.C. Lauzon a écrite, « Fais-moi un pipeline », donc pour rire un peu avec un clin d'œil un peu humoristique, parce que, je veux pas, quand on est comédien, humoriste, moi j'ai connu J.C. Lauzon comme humoriste, j'aimais beaucoup dans ce temps-là, là, il a pu virer de travers, il est devenu un peu politicien aux dernières élections fédérales, indépendantiste vert, en tout cas, moi je trouve ça que c'est un beau mélange, là, mais en tout cas, on pourra le questionner sur sa chanson « Fais-moi un pipeline » en deuxième demi-heure. Et on aura aussi Chantal Santerre, c'est rare, hein, dans les groupes de gauche, sinon d'extrême gauche, ou qui s'intéresse à l'altermondialisme, qui est une comptable dans la gang. Oui. Ben oui, on en a une, Chantal Santerre, elle sera avec nous à 2h moins... excusez-moi, je vais peut-être me tromper, parce qu'on est habitué de travailler à 13h, c'est une première à 14h, donc à 14h45, dans le livre d'Attaque Québec, La date du Québec, vérité et mensonge, ben on questionnera Chantal Santerre. Pourquoi chiffrer la dette québécoise, dans le fond? Il y a peut-être d'autres sortes de dettes qui sont plus importantes que celles qu'on connaît et que nos ministres des Finances nous aident. Étienne? Oui, ben, je vais commencer par donner mon idée générale du forum, parce que le forum, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait des gens de tous les continents. Et ça, ça permet, je crois, d'en retirer une chose, qu'on n'est pas seul. Tu as parlé de tes manifs contre les pipelines. Eh bien, justement, au forum, on pouvait apprendre à connaître toutes les luttes qui se passent contre des projets pétroliers dans des dizaines de pays, sur tous les continents. C'était vraiment impressionnant de voir la variété de gens qui avaient. Il y a quelques bémols à faire sur ce point-là aussi, parce que je lisais surtout le compte rendu du Washington Post dernièrement. En gros, selon leur sondage non scientifique, c'était surtout des Québécois qui participaient. C'est sûr, l'occasion était bonne, vu que pour la première fois, on avait un forum social mondial tout près de nous, hein, à Montréal. Alors, je suis content que les Québécois aient participé. Ils étaient largement majoritaires. Aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient venir de partout au monde, de partout dans le monde, pour se rendre ici, à Montréal, mais qui ont été refusés. Ah oui! C'est ça. Moi, j'ai eu les chiffres, là. Il y a 2000 activistes à travers le monde qui ont voulu venir. 70% ont été refusés. Ça veut dire la majorité n'ont pas pu arriver. 1500, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment été comptabilisés dans tout ça. Moi, oui. J'ai deux exemples. J'ai deux amis, une du Sénégal, qu'on surnomme Mère Teresa. Mm-hmm. Et ça, j'en ai parlé à l'émission du matin. Caroline m'avait invité pendant le forum social à commenter. Caroline, animatrice Stevenson, animatrice de l'émission du matin ici, ainsi que Dominique Lelièvre, qui fait une émission journalistique ici à CKRL. Oui. Et puis, évidemment, c'était la question du moment. Même avant même de commencer, on savait que déjà que beaucoup de nos amis, même d'Attaque Québec, des amis d'Attaque Québec dans le sens de partout dans le monde, probablement beaucoup d'Africains reliés à Attaque Québec n'ont pas pu venir. Et mon ami qu'on appelle Mère Teresa, qui fait beaucoup de bien pour les femmes infertiles le long du fleuve Sénégal, polluées par les minières canadiennes, c'est sûr qu'on peut penser à un côté politique qui interdisait certains activistes comme Mère Teresa venir chercher de l'argent pour s'occuper des femmes infertiles à cause des minières canadiennes. C'est ça, c'est les gens qui s'occupent des dossiers là, au fédéral. Là. Eux, ils ont comme un pouvoir arbitraire. Ils peuvent voir la ils peuvent lire les raisons de la venue des gens et décider sur le coup si c'est valable de les accepter au pays pour une visite de quelques jours seulement. Moi, de ce que j'ai noté, souvent les arguments pour les refus, c'est un, les formulaires n'ont pas été remplis correctement. Ça se comprend, parce que c'est quand même une paperasse. Ouais, ça prend des photos signées. C'est ça, surtout ceux qui viennent de pays lointains ou qui visitent plus rarement le Canada. Et ou alors, et c'est là que c'est assez grave, la deuxième raison, la citée la plus souvent, c'est que les applicants n'avaient pas une raison claire ou valable de venir. Alors, c'est là que vous voyez toute l'arbitraire. La personne qui lit le formulaire peut décider « ça me tente pas que celui-là précisément vienne ». C'est assez grave. Alors que c'était un événement pour échanger des points de vue, ça a l'air que certains points de vue n'étaient pas les bienvenus. C'est assez dommage. Oui, bien, il y a l'aspect monétaire. Je ne sais pas si tu y venais. Parce qu'il y a des gens, et nous, je pense qu'on a accumulé certaines preuves, Attaque Québec, que c'était pas vrai. Il y a des gens qui ont été catégorisés comme des gens qui n'avaient pas assez d'argent pour venir, parce que ça prend quand même un certain montant garanti. Et ça, je sais qu'il y a des exemples qui ont été trouvés où les gens avaient l'argent. C'était pas une question d'argent, alors qu'on leur avait donné une raison d'argent. Et donc, Attaque Québec a dénoncé l'attitude du gouvernement canadien à ce moment. Et je sais que dans un des communiqués qu'on a écrit, on parle de deux représentants d'Afrique, Sirigne Sarr d'Attaque Sénégal et Adjamam Boa, Ibrahim, excusez-moi pour avoir garoché son nom, mais d'Attaque Togo, se sont vus refuser leur visa d'entrée au Canada. Ils ne pourront donc pas, n'ont pas pu assister au Forum social mondial à Montréal qui se tenait, comme vous le savez, là, en début d'août. C'est Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui dit qu'ils ont dû malheureusement constater que les autorités canadiennes ont peur de la démocratie. C'est indignant, quoi. Oui, ben c'est ça. Et c'est ça aussi, ça me rappelle une critique qui a été faite au Forum à Montréal, c'est justement le choix de cette ville-là, Montréal. Le coût de la vie est élevé pour des gens qui doivent venir de loin. T'sais, le billet d'avion, payer la nourriture pendant presque une semaine, environ une semaine, ça peut être très cher pour des gens qui veulent venir ici Et on parle pas de millionnaires, là, on parle d'activistes souvent, de militants, de gens d'organismes non gouvernementaux. Ça peut faire une facture assez salée. Et un de ceux-là qu'on aurait dû donner 1 million, c'est Arthur Lauvernier, qui venait d'Attaque France, un jeune stagiaire qui est venu passer quelques semaines à Québec. À Montréal, en fait, surtout. Mais il est passé par Québec, je sais. Et il a travaillé d'arrache-pied. Ça n'enlève rien à tous les autres bénévoles qui ont tenu le kiosque, parce que c'était pas évident de tenir le kiosque. On salue ceux qui l'ont fait. Mais entre autres, de signer le communiqué de presse auquel je faisais référence tout à l'heure. Arthur était l'homme de tous les métiers. Je sais qu'il y a même une fête qui a été faite la semaine dernière avant son départ, avant son retour à Paris, et j'ai pas pu y assister, mais on le salue et j'espère que tu nous écoutes. Et on te nomme collaborateur du Grain de Sable puisqu'on sait que tu as un bon réseau de contacts chez Attaque France et qui nous avait permis de faire une des émissions d'Attaque France pendant la CDP 21 en décembre dernier dans les locaux d'Attaque France grâce à la présence d'Arthur. Donc, on te salue, Arthur. Tu fais partie de notre équipe. Oui, c'est ça. Il a vraiment fait un beau travail. Et c'est grâce à lui, entre autres, là, qu'on a pu avoir des événements qui se sont tenus. Parce qu'il faut vous donner une idée du Forum social mondial. Il y a un peu de chaos dans ces événements-là parce qu'on, des fois, les locaux, il y a plusieurs activités qui sont inscrites au même local en même temps. Certains doivent être déplacés, annulés. Ça n'a pas été le cas. Les activités d'Attaque qui se sont tenues, non seulement ont toutes eu lieu, mais aussi ont attiré beaucoup de monde. Ont attiré vraiment beaucoup de monde. Là. Moi, toutes celles où je suis allé, c'était presque difficile de fermer les portes. Je me suis assis souvent sur le bord de la porte avec mon enregistreuse pour enregistrer quelques-unes des interventions intéressantes. Donc, vous aurez la chance de les entendre au cours de la saison. Mais je suis allé aussi à celle des Amis de la Terre, de Dr. Carole Vachon, que je salue. Je sais que c'est un de nos auditeurs. Mais il y avait une personne dans la place, puis c'est moi, à titre de président des Amis de la Terre, où je devais présenter le conférencier et le remercier. Mais après une demi-heure, il est rentré une personne à qui on a fait tirer le livre de Dr. Vachon sur le lait cru. Donc, il y avait aussi ce genre d'activité. Parce que quand il y en a 1500 comme ça, puis qu'il n'y a pas assez de promotion de fête, où il n'y a pas un réseau vaste, il n'y a pas beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Forum social mondial, la procédurite qui est inclue là-dedans est très, très intéressante dans le sens que on essaie de faire la convergence avant que le forum se tienne. Donc, beaucoup de gens ont été invités à échanger sur Internet avant l'activité pour fusionner des activités. Puis effectivement, je pense que si les ateliers, entre autres sur les paradis fiscaux d'Attaque-Québec, avaient beaucoup de monde, c'est que tous ceux qui s'intéressent aux paradis fiscaux, même s'ils n'étaient pas d'accointance directe avec Attaque-Québec, se faisaient un devoir de participer, de poser leurs questions dans toutes les langues d'ailleurs. C'était très intéressant. Et donc, l'opposition aux paradis fiscaux et aux accords de libre-échange sort renforcée au terme de ce forum. Étienne, je pense que tu es d'accord avec moi. Aux yeux d'Attaque-Québec, qui accueillaient eux-mêmes des gens de d'autres pays. Si on aura la chance d'en parler avec Baptiste Gaudry après cette pause musicale. Mais j'aimerais quand même, en deux mots, que tu me résumes ton expérience au Forum social, Étienne. Ben moi, je crois que ce que j'ai préféré, c'est voir des beaux exemples d'action directe. Le fauchage de chaises, on en reparlera. Des idées souvent d'interrompre des conférences sur les traités de libre-échange par des chants. Juste des belles activités comme ça, je crois que... Les chants autochtones, même, je pense que souvent, ils ont montré leur présence, là. Ah oui, oui. Vraiment importante, même. Faut pas les oublier. D'ailleurs, c'est l'événement d'ouverture, il était très présent pour nous souhaiter la bienvenue sur l'île de la Tortue, leur façon d'appeler Montréal. À Québec, je pense que c'est le barrage de Castor, l'endroit où les esprits se rétrécissent. Ça doit bien se dire. Il doit bien avoir un animal qui a l'esprit rétréci ou qui navigue à Québec, entre Québec et Lévis. Alors, je veux quand même te dire qu'il y a un lien avec ce qu'on va écouter. Il y avait, comme tu dis, la présence autochtone, mais il y avait la présence de latino-américains. Oui. Et une de celles qui a chanté à la marche d'ouverture, en fait, où se terminait au quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal, eh bien, il y a... je vous la laisse écouter, puis après ça, bon, on va vous demander si vous l'avez reconnue. La linda Petrona, la belda Tebantepec. Tú eres la linda Petrona, la belda Tebantepec. Rosa de Castilla en rama y Petrona cortada en la Rosa de Castilla en rama y petrona cortada al amanecer. En el jardín del amor hay petrona, se para un pájaro a ver. En el jardín del amor hay petrona, se para un pájaro a ver. Después de picar la flor, ay Petrona no quiso permanecer. Después de picar la flor, ay Petrona no quiso permanecer. Mademoiselle Reese, oui, c'est elle qui a chanté après la marche d'ouverture mardi 9 août à Montréal. Et c'est un disque que j'avais eu en cadeau quand j'étais allé la voir en spectacle il y a une couple d'années au bureau de poste. Elle n'était pas du tout connue. Quand j'avais dit que je faisais quelques émissions comme ça, c'est correct, elle m'avait dit, ben c'est là. Donc quand je l'ai vue avant le spectacle, elle vendait de ses disques. D'ailleurs, j'ai quelques photos que je vais mettre sur notre page Facebook, puisqu'on en parle. Elle était avec Marco Gagliari, qui est un ancien président d'honneur d'ici à CKRL, d'une de nos campagnes de Radioton. Alors, ensemble, dans un kiosque, ils vendaient de leurs propres disques. Puis j'ai dit à Mario, justement, que ça arrivait. Des fois que je mettais ses chansons en italien, ses chansons traditionnelles québécoises, du folklore québécois traduit en italien. Alors, quand vous regarderez cette photo-là sur notre page Facebook, vous comprendrez l'ambiance dans laquelle on était. Et quand je lui ai parlé de ce disque que je viens de faire jouer, qui avait un cactus dessus, elle s'en souvenait même pas d'avoir fait, parce que c'était comme un démo, avant même qu'elle sorte son premier disque et son deuxième et son troisième prochainement. Donc, j'étais bien fier d'avoir cette copie de collection, finalement. Et ça, vous l'avez entendu, c'est en espagnol, mais il y a une de ces cinq chansons qu'on retrouve sur ce démo qui est en français. Peut-être que vous la ferez jouer, si jamais vous voulez. Et donc, Étienne, le Forum social mondial a fait en sorte qu'on a pu entendre parler par des gens de d'autres pays de leurs problèmes aussi de paradis fiscal. Et même, je me suis retrouvé dans un atelier de banquiers où on parlait de ça. Et s'il existe des banques qui ne font pas affaire à ça, il y a des mouvements. On parlait d'Arthur Lauvergnier tout à l'heure. Eh bien, je sais qu'il était très impliqué dans l'activité de chasseur, faucheur de chaises. en France, et c'est le genre d'activité qui pourrait se faire ici, ou qui se sont peut-être faites, ou qui vont éventuellement peut-être se répandre ici comme un grain de sable. on ne sait pas, on le souhaite. Encore, Attaque Québec et les groupes d'attaque présents au FSM ont tenu deux réunions pendant le FSM qui, en fait, rassemblaient des gens alentour de ce qu'on pourrait appeler une assemblée de convergence sur le titre « Désarmer la finance et atteindre la justice fiscale ». C'est une belle expression, ça, Étienne. C'est ça. C'est bien celle où est-ce qu'il y avait Frédéric Lemaire, Dominique Plion. J'avais aussi noté, c'est ça, Claude Vaillancourt. Nick Durden, que j'ai beaucoup aimé, de Global Justice Now, qui est en fait « Attaque UK », United Kingdom. Ah oui, oui. Puisqu'en fait, ATTAC, c'est une abréviation francophile, donc les groupes anglophones n'ont pas nécessairement l'abréviation ATTAC dans leur acronyme. Donc, c'est le Global Justice Now. Nick Durden, super sympathique d'ailleurs. Si on pouvait faire des entrevues en anglais, c'est certain qu'on l'inviterait au cours des prochaines semaines. C'est ça. Tout à l'heure, je parlais des actions vraiment positives qui étaient, je trouvais, des beaux exemples. Le sien est intéressant, ce qui est venu nous parler de UK Uncut, là, ces actions où est-ce qu'il trouvait un programme social coupé par les conservateurs là-bas en Grande-Bretagne, et il faisait une espèce d'action de jeu. Là, mettons que c'était des cliniques qui étaient coupées, et il se déguisait en clinicien ou en infirmière, il occupait des lieux, par exemple, dans des banques, il essayait de faire une clinique publique parce qu'on voulait en couper, eux, ils allaient en créer des nouvelles en jouant le jeu. C'est assez drôle. Oui, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre. Parce que le but, en fait, c'est pas juste de réunir du monde de partout, puis de jaser, puis de parler, puis de s'échanger, puis tout ça. Ouais. C'est d'en arriver à des actions. La dernière journée, le samedi, au Parc Jarry, où d'ailleurs, Mlle Ruiz a fait le spectacle de fermeture aussi. Elle a fait l'ouverture et la fermeture au Parc Jarry cette fois-ci. Beaucoup de belle ambiance d'ailleurs, des gens de toutes les langues qui dansaient en espagnol. La musique mexicaine sur le Parc Jarry. En tout cas, très intéressant. Et le but était de l'action. Moi, les trois ou quatre cercles de discussion que, sous la tente et sous la pluie, me dirais-je, que c'était pas évident de s'entendre avec les multilangues. Et on n'avait pas tout l'aspect technique de traduction simultanée avec des écouteurs. Alors, on était sous une tente, puis il y avait des gens à côté de nous qui traduisaient de l'espagnol à l'anglais, et du français à l'anglais du côté droite. Donc, c'était vraiment un peu cacophonique, mais on réussit à entendre que le but de tout ça, c'était de faire un calendrier d'action. Oui. Et je pense qu'en allant sur le site du FSM de Montréal, on va voir ces calendriers d'action. Et il y a des actions dont on va parler abondamment d'ici Noël, le suivi de ces actions-là et des actions concrètes qui pourront se faire. Peut-être des faucheurs de chaises iront à la banque de votre coin pour emprunter une chaise le temps qu'ils ferment leur autoroute vers les paradis fiscaux, l'autoroute de millions de dollars qui s'en vont se cacher dans les îles sous les palmiers, alors que cet argent-là pourrait être ici, à bénéficier aux citoyens en payant leur propre dû. Et un des interviews peut-être que je pourrais diffuser, c'est lors de l'ouverture du Musée des Beaux-Arts de Québec, financé à coût de 10 millions de dons de M. Pierre Lassonde. J'ai fait une interview avec lui et je lui pose la question. Si jamais vous intéresse la réponse, écrivez-nous sur notre page Facebook ou écrivez par l'adresse courriel que vous pouvez trouver sur le site de CKRL, donc la programmation, émission Grain de sable. Je pourrais peut-être faire entendre la réponse de M. Lassonde où je lui demande, préférez-vous payer vos impôts ou faire des dons de 10 millions pour la culture, puis, exposer des œuvres d'art modernes dans la capitale nationale du Québec, alors que vous êtes un payeur de taxes à Toronto, un Ontarien, en fait, qui ne paye pas de taxes, même pas une scène au Québec. Mais il a donné 10 millions, alors que le fédéral a donné aux environs de 36 millions avec le provincial. Donc, on a beaucoup entendu parler que c'était le musée de M. Lassonde, mais en fait, il a payé à peine le tiers et par un don, qui est probablement déductible d'impôts à quelque part. Mais en tout cas, toujours est-il, si vous intéressez à sa réponse, j'ai posé la question. Puis c'est une très bonne réponse, là. Vraiment, on voit qu'il y a un personnage intelligent derrière pour utiliser le système économique dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, il y avait d'autres choses aussi au Forum social où ATTAC s'est associé à des ateliers, des grandes conférences. Évidemment, les classiques étaient là. Alain Deneau, qu'on a interviewé, qu'on pourra vous diffuser, il nous a parlé de... C'est son dada. Oui, ben je peux donner le titre tout de suite. Là. C'était la grande conférence « Les paradis fiscaux au cœur de la crise des inégalités ». Alors, pour expliquer l'écart qui grandit entre les pauvres et les riches, ben c'est simple. Les riches n'ont pas à payer d'impôts puisqu'ils déplacent sur des îles très loin d'ici. Des îles dont on ne sait même pas qu'elles existent. Hein? Ouais. Mais il y a, entre autres, on a vu une photo du siège social d'une entreprise qui sert de siège social à toutes ces entreprises canadiennes qui veulent échapper au fisc canadien et québécois. Et c'est ça pourrait être ici dans Limoilou, là, une porte avec 2-3 étages et il n'y a pas rien d'écrit au-dessus de la porte, mais c'est le siège social de plusieurs centaines d'entreprises juste pour sauver de l'impôt. Il y a probablement aussi une adresse comme ça au Delaware. Oui. Il y a probablement une adresse comme ça au Luxembourg où c'est une coquille vide, en fait, alors que ça réunit des entreprises qui ont des milliards de chiffres d'affaires et des centaines de milliers d'employés qui ne pourraient pas rentrer, évidemment, dans tout cet édifice. Il y a quand même, puisqu'on en a parlé, ATTAC France était là. Il y avait des militants d'ATTAC présents venant des pays suivants. Allemagne, Argentine, Espagne, Japon. Et d'ailleurs, le japonais parle français. Mm-hmm. Je l'ai interviewé. Éventuellement, il faudra rester à l'écoute pour l'entendre nous parler à sa manière de libre-échange et d'autres sujets très intéressants. Le Maroc y était. Évidemment, le Royaume-Uni avec Global Justice Now. Suisse, Tunisie et Togo. Mm-hmm. Oui, vraiment, on avait une belle représentativité de tous les groupes. On va revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Quand le curé la montagne est monté dans la chaire, son sermon du dimanche était un peu plus clair. Il y a quelqu'un quelque part qui a dû faire quelque chose pour que sur nous la colère du bon Dieu explose. Notre paisible village est en proie au malheur. Trois morts plutôt étranges dans les dernières 48 heures. Invoquons sa clémence, paroissiens à genoux et faisons pénitence, car le malin est parmi nous. Ça jase, il pleut des suspicions, tous les soupçons pointent dans la même direction. C'est que dans le fond du rang viennent de s'installer une famille d'intrigants aux allures d'étrangers. En plus, on ne les a jamais vus à la messe, ajoute en insistant la veuve, la tendresse. Puis le groupe se sépare sous un ciel de charbon. L'orage se prépare, tout le monde rentre à la maison. C'est une histoire de peur. La veuve presse le port, scrute les alentours pour qu'on ne la suive pas. Et c'est le souffle court qu'elle arrive au logis, s'embarre à double tour, se cache sous le lit. Puis sa raison s'emballe, son pouls s'accélère, elle imagine le mal. Rentrer par en arrière, ne prenons pas de chance. Et barricadons-nous, elle va chercher des planches, un marteau et des clous. Les portes et les fenêtres, chaque issue sera bouchée. Dehors c'est la tempête, le ciel est déchaîné. Elle allume un lampion, elle éteint toutes les lumières. La sœur perd sur son front, elle récite une prière. Soudain la foudre s'abat, à deux pas de chez elle. Et dans un sursaut son bras accroche la chandelle. Le reste, comment dire, s'est déroulé vite comme l'éclair. Le feu s'est propagé partout dans la chaudière. C'est une histoire de peur. C'est comme une vie d'horreur. En noir et blanc. il fallait s'y attendre. De la maison et du corps, ne restait qu'un tas de cendres. À 100 lieues des braises fumantes résonnaient encore les cris que la pauvre vieille implorante a hurlé toute la nuit. Sorti pour la sauver, mais la nuit, quand rôde le mal, c'est un petit peu plus compliqué. La peur fait fondre le courage et dilue chaque goutte de sang-froid jusqu'au levant malgré le tapage. Personne n'a levé le petit doigt. Personne, sauf la famille d'étranges qui furent retrouvés sur les lieux. Des seaux d'eau pendant des phalanges, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ils ont beau frimer, jouer les braves, leur seule présence en est la preuve. Faut pas nous prendre pour des caves, on sait qui a brûlé la veuve. Un grand vent, un ouragan, vent qui souffle en noir. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1. Faites-moi une pipeline, j'ai un surplus de gasoline, faudra une pipeline pour écouler mon bitumine, pour faire travailler la pépine, faudrait une pipeline. Pour faire le plein de toutes nos machines, pour s'en mettre plein les narines. Désolé, parfois ça dégouline. Pas sûr que c'est un bon tuyau, je pense que vous avez tout faux. Faites un nœud dans votre boyau. Ça prend pas la tête à Papineau. Oh, ça prend peut-être une poignée dans le dos pour pouvoir le paradis fiasco. Un si beau grand fleuve et tant de ruisseaux, peut-on vraiment jouer ça au casino? Faudra pas nous prendre pour des idiots. À les entendre dans leurs vidéos, c'est extraordinaire comment le pétrole c'est beau. Puis on fera pas d'omelette sans casser des œufs qui disent, mais c'est pas des œufs, c'est du sale bitumineux. On se comptera pas de pipeline. Un déversement et c'est la ruine. On a vu au bab comment tu patines. Mets ça dans ta pipeline. Moi pis ma grand-mère algonquine. On en a plein la mort de tes toxines. Coule pas chez nous, coule pas nulle part. Personne ne veut boire de ta marée noire. La terre n'est pas ton dépotoir. Oui, nous avons J.C. Lauzon avec nous. Es-tu là, J.C.? Oui, c'est parce que j'ai accroché un piton tantôt. Puis j'ai pas... Ben oui, ben écoute, tous les pitons sont en ordre puisqu'on est au bout du fil. D'où t'es venue cette idée-là? Moi, tu sais, en début d'émission, je disais que t'étais mon coup de cœur. Je suis allé à une manifestation en revenant du Forum social mondial cet été en face du Parlement de Québec, en face de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a eu des discours. Patrick Bonin de Greenpeace par là. Tu avais plein de bons. André Bellil, qui est toujours bon. Mais mon coup de cœur, puis je pense que par les applaudissements, puis la présence de scène que t'as, bien sûr que comme comédien, humoriste et politicien, eh bien, tu nous as prouvé ta présence d'esprit. Ça, c'est ta guitare. As-tu amené ta guitare avec toi, coudonc? Oui, on dirait. Mais, ben, merci, Jean, pour cette présentation-là. Mais écoute, ça vient du cœur, effectivement, parce que ce problème-là de l'énergie est, ce qui s'en vient, ce qu'on nous propose, ces développements autour des hydrocarbures-là, ça me fait gueuler, ça me fait chanter aussi. Une chance, j'ai la musique. Si je n'avais pas la musique, je serais vraiment triste. Ben, il reste toujours la politique. Est-ce que tu es encore actif en politique? Avec des chansons comme ça, ça pourrait te lancer une carrière en politique, peu importe le parti, là. Ah, mon Dieu, je ne sais pas si les gens croient tant que ça aux humoristes, puis aux musiciens, mais non, la politique, tu sais, genre, j'ai aimé ça, mais en même temps, j'ai trouvé ça presque trop sérieux pour moi. Je me rends compte quand même que j'ai eu une vie dans le divertissement, tout ça, mais ça veut pas dire que les choses environnementales me touchent pas, m'atteignent pas. Fait que moi, je pense que la meilleure façon pour moi d'exprimer librement sur ces sujets-là, c'est de faire un show, c'est de faire une toune, c'est d'aller au Capitole, là, au mois de mars prochain, ah oui? 22 mars prochain. Ah, c'est vrai, là? Oui, avec un nouveau one-man show, puis de parler de ça, parler de comment on vit avec ça, mais aussi de parler de d'autres choses que de la politique et de l'environnement. Mais comment tu vas appeler ça, ce spectacle-là? Ça va-tu fais-moi une pipeline? Non, ça, là, pour l'instant, le titre, moi, je dis que c'est un titre de travail, ça s'appelle « Drôle d'air ». Parce que je trouve qu'on respire un drôle d'air de ce temps-là. On vit une drôle d'air. Puis moi, ben dans mon show, je vais chanter des drôles d'air aussi. Fait que je vais trouver une twist, tu sais, pour parler de ça tout en m'amusant quand même. Parce que à force de lire, tu sais, les révolutionnaires, puis les révoltés, puis avec raison, là, il y en a beaucoup qui sont tannés là, de voir ce développement-là continuer, faire fi complètement de qu'est-ce que le monde pense. Parce que, tu sais, l'acceptabilité, ça n'a pas de bon sens. Ça fait des années, là, qu'on va faire des années qu'on leur dit qu'on ne trouve pas ça acceptable, mais eux, ils vont... Et c'est ça qui est louche dans ce projet-là. Mais en tout cas, en show, je vais appeler ça drôle d'air. Ouais. Pour l'instant, c'est comme ça que j'appelle ça. Mais tu l'écris comment, drôle d'air? Parce que là, dans ta radio, là, est-ce que tu l'écris E, accent grave, R-E ou A-I-R? Non, drôle d'air. C'est drôle que tu me demandes ça, parce que je l'écris D-R-O-L-D-R. Un peu comme on fait dans les textos aujourd'hui, là, drôle d'air. Parce que, puis même j'ai mis un haut tréma, parce que c'est vrai que le français se modernise. Ouais, c'est compliqué à radio, répète ça. Là. Moi, je suis un audio. Là. Comment tu l'écris ton spectacle? Pardon, je l'écris drôle, D-R-O-L-D-R. OK. En faisant référence aux trois R, fais-tu référence aux trois R là-dedans? Voilà, mais j'en mets juste un. Ouais, pareil, mais c'est compliqué parce qu'il y en a plus que trois, tu sais. Hein? Quand on dit les trois R, c'est qu'il y en a quatre au moins. Puis c'est les trois RV. Oui? Ouais, il y a quatre R puis un V parce qu'il ne faut pas oublier la valorisation à la fin d'avoir essayé de recycler, réutiliser, ben oui, mais il faut valoriser aussi parce que. Ah oui, les trois R, OK, je comprends le recyclage. Oui, je comprends. Puis on pourrait même rajouter un M. Je suis en train de donner des punchs pour ton discours. J'espère que tu vas nous inviter et tu vas venir nous voir. Ben quand oui, on va vous inviter certains. Parce que. Au premier loge, mon cher ami. Tu sais qu'il y a Mme Lucie Mingui d'Alexir qui se promène dans les foires environnementales qui concluait d'ailleurs le Forum social mondial au Parc Jarry, où elle fait une conférence Le caca d'or. C'est que, les toilettes sèches, ça s'en vient très populaire comme sujet pour faire du compost. Oui, j'ai voulu dire là-dessus, c'est pas notre ami Eugène Bergeron là, qui tout à fait, Sandrine Cédoux, qui est présidente de Terra Nostra, qui essaie de revaloriser, donner une valeur à nos déjections, en fait. Donc, on parle, c'est plus loin que les trois R, là, même si ça peut sentir drôle des fois comme sujet, mais on parle de faire du compost avec nos déjections. C'est comme on le fait avec le mouton. Ben, en tout cas, je veux dire, ce serait préférable à tout ce qu'on fait avec les surverses. puis à tout ce qui se passe avec notre eau au Québec. Moi, c'est sûr que ce projet-là, les toilettes sèches, a un avenir, puis tout ce qui a un objectif de préserver l'eau, moi, je dis, est d'avenir. C'est avec Eugène Bergeron, oui, il y avait un festival, il me semble, ou un conventum, l'an dernier. Là, oui, oui, un forum à Grondine. Il y a énormément de nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Il y a une vingtaine de sortes de toilettes sèches. Oui, et puis, on va en faire un musée à Grondine, le long de l'autoroute 138. Donc, on fera pas juste passer des choses sur le fleuve en venant de Montréal, mais on va pouvoir arrêter puis visiter des toilettes sèches éventuellement. On le souhaite que les conséquences de ce forum, tu faisais référence il y a une couple d'années là, à Grondine, que ça puisse donner quelque chose. Mais essentiellement, est-ce que toi, J.C. Lauzon, tu participais au Forum social mondial qui a eu lieu à Montréal? C'est-à-dire que non, j'ai pas pu me libérer pour ça. Je suis, tu sais, cet été, je faisais des chroniques à tous les samedis à la radio. Je m'improvisais un peu beaucoup là, chroniqueur environnemental. Puis j'ai fait mes classes cet été, mais j'ai suivi ça effectivement tout le long, pareil, parce qu'on pouvait suivre ça par internet. Moi, je trouve qu'il y a un bouillonnement présentement. Les nouvelles idées sont sur la table et puis on sent que les gens sont prêts à en discuter de ces nouvelles avenues-là, de l'utilisation de l'énergie, des énergies propres. Puis tu sais, bon, c'est vu à COP21. Ces idées-là sont encore dans l'air, là, même si apparemment ils n'ont pas été nombreux à ratifier l'accord finalement pour réduire les GES. Il y a quelques semaines, il y avait à peine 2%, mais le fait que les États-Unis et la Chine aient signé au G20 la semaine dernière, Stephen Guilbeault m'a réprimandé sur Facebook en disant « Non, Jean, c'est pas juste 2% maintenant là, avec la Chine puis les États-Unis. On approche du 55% à 55 pays qu'on a besoin d'atteindre avant la COP22, avant la CDP22 qui se déroule au Maroc prochainement. » Donc, okay. Il paraît qu'il y a de l'espoir. D'après Stephen Guilbeault, je pense que c'est une bonne source, Stephen, on l'atteindrait, le fameux 55% des pays émanateurs, si ça se dit. Émetteurs, des pays émetteurs de GES, dont le Canada est un digne représentant. Là, parce que nous, avec notre extractivisme, là, c'est sûr qu'on n'aide rien. Et j'espère juste, moi, que M. Trudeau va respecter les promesses qu'il a faites, d'une part, justement, de réduire les hydrocarbures, l'exploitation des hydrocarbures. Enfin, réduire le niveau, je n'ai pas dit de réduire le niveau des l'exploitation des hydrocarbures. Mais ce que je trouve aberrant aussi, Jean, là, au Québec, là, c'est le projet de loi 106. Qu'est-ce qu'il y a d'aberrant? Dis-nous-le. Qu'est-ce qu'il y a d'aberrant? C'est quoi le grain de sable là-dedans? dans le projet de loi 106, c'est si tu veux un mot qui fait peur, c'est l'expropriation. C'est de donner le droit aux exploitants des hydrocarbures, aux foreurs, à ceux qui font soit de la fracturation pour du gaz ou à ceux qui font d'exploration pour du pétrole, de schiste, et on leur donne le Québec. Tout simplement, le projet de loi 106, ça leur ouvre les portes. Moi, j'ai écouté plusieurs fois, j'ai assisté quelques fois aussi à la conférence de M. Richard Langelier, qu'on peut voir aussi sur Internet, là, sur YouTube, si tu veux. C'est sur le site du RVHQ, le Vigilance Hydrocarbures Québec. On peut voir son PowerPoint, on peut l'entendre. Ah, oui. Et puis vraiment, ça, c'est un document, je recommande à tout le monde d'aller voir ça, de jeter ça, et de comprendre que ce projet de loi-là est vraiment dangereux pour nous. C'est ouvrir les portes. Au fait, M. Couillard, il poursuit. Moi, j'avais vraiment mal pris quand il avait dit « on leur doit bien ça » en parlant du fleuve qu'on devrait laisser aux super pétroliers, puis moi, j'appelle les pocheurs de pétrole. Faut bien que je sois drôle un peu des fois. Mais t'en parles dans ta chanson, je pense. T'en parles pas dans ta chanson des pocheurs de pétrole, non? Les pocheurs de pétrole, non. Mais c'est un petit peu eux autres, c'est un petit peu d'eux autres que je parle beaucoup. Mais je veux dire, le projet de loi 106, c'est ça. C'est donner le Québec au complet. Au fait, on l'a déjà pas mal tout donné, là. Il en reste pas gros. Mais il me semble que ça, là, l'eau, il me semble que ça devrait s'arrêter là, là. Parce que le sous-sol au complet de la Gaspésie a été donné à des exploiteurs. L'Anticosti, là, ça branle. Tu sais, on a donné la forêt, tout ce qu'on a donné au Québec, les mines, ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, tu lis ça, si tu lis dépossession, là, ce livre-là, là, tu fais le tour au complet de tout ce qui nous a été enlevé, souvent avec notre complicité naïve, hein, parce qu'on est du bon monde. On est maudit du bon monde. Hein. Au Québec, on plie les chaînes. Donc, hein? On plie les chaînes. Ah oui, non, mais c'est oui, ben oui, arrange-toi, ben oui, tu peux prendre ça. Puis, je sais pas, là, je pense qu'on arrive à un âge où on est plus grand. C'est peut-être pour ça aussi que tu sais, ça bouge quand même, là, où on reparle de ça. Là, moi, je dis que si ils acceptent pas notre non, notre refus d'énergie est du pipeline, je veux dire, il va falloir passer en deuxième vitesse. Je sais pas, il va falloir sortir dans la rue. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on s'entende avec le reste du continent sur qu'est-ce qu'on veut faire avec cette énergie-là. Est-ce qu'on va pouvoir se procurer, fais-moi un ou une pipeline, je sais pas. Ben, le terme exact, ça c'est très drôle, tu dis ça, parce que il y a quelqu'un qui dit, ah, j'ai pas compris le jeu de mots parce qu'on dit un pipeline d'habitude. Bon, écoute, là. Ben, je pense qu'il va falloir aller au show. Directeur de programme de radio, en tout cas. Ben, nous, on va leur dire d'aller au Capitole au mois de mars. Pour avoir la réponse, peut-être. Est-ce que tu vas parler un peu de pipeline? C'est donc bien fait. C'est un pipeline, mais moi, je le faisais un peu en anglais, puis poli, faites-moi un pipeline. Okay. Parce qu'ils veulent tellement un pipeline. Ben, mais l'aimes-tu, oui. La chanson? Ben oui. Je l'ai fait jouer, puis là, j'ai le goût d'ailleurs qu'on se laisse, et puis que tu nous la chantes en direct avec le son. Qu'est-ce que tu en penses? Faites-moi un pipeline. Allez, on fait comme à des émissions de télévision. Merci beaucoup. Vas-y, continue. Salut, le monde de Québec. Couler mon bitumine, merci, bye. La pépine, faudrait une pépine. Pour faire le plein de toutes nos machines, pour s'en mettre plein les narines. Désolé, parfois, ça dégouline. Pas sûr que c'est un bon tuyau. Je pense que vous avez tout faux. Faites un nœud dans votre boyau. Ça prend pas la tête à Papineau. Oh, ça prend peut-être une poignée dans le dos pour pas voir le paradis fiasco. Un si beau grand fleuve et tant de ruisseaux. Peut-on vraiment jouer ça au casino? Faudra pas nous prendre pour des idiots. À les entendre dans leurs vidéos. C'est extraordinaire comment le pétrole c'est beau. Puis on fera pas d'omelette sans casser des œufs qui disent. Mais c'est pas des œufs, c'est du sale bitumineux. On se comptera pas de pipeline. Un déversement et c'est la ruine. On a vu au bab comment tu patines. Mets ça dans ta pipeline. Moi pis ma grand-mère algonquine. On a plein la mort de tes toxines. Coule pas chez nous, coule pas nulle part. Personne ne veut boire de ta marée noire. La terre n'est pas ton dépotoir. Faites résonner trois coups de canon. Le pavillon du roi découpe l'horizon. Voici venir monsieur, le seul maître des lieux. Voici le roi meunier, le roi d'Anticosti. Laissez-moi vous parler un peu d'un gentilhomme, d'un monsieur qui s'est retrouvé par chez nous après avoir cherché partout en 1895, loin de la France et ses provinces, au point perdu juste pour lui, une île vierge, un paradis. En vendant du chocolat à nos amis français là-bas, Henri Meunier a fait fortune assez pour s'acheter la lune. Mais il a préféré choisir, mais il a préféré sortir la plus grande île du Saint-Laurent, Anticosti assurément. Ce monsieur-là, je vous le dis, avait amené avec lui un jardinier, un cuisinier. Pour les radis et les gâteaux, un charpentier, un menuisier qui lui ont construit un château, une école et un hôpital et un magasin général. Et son bras droit, Martin Zété, avait toujours de bonnes idées. idées, même si pour les réaliser, c'est nous qui devions travailler. Il nous fit construire des chemins pour les voitures et pour les trains. Enfin, nous avions un village et nous avions nos pâturages. Faites résonner trois coups de canon. Le pavillon du roi découpe l'horizon. Voici venir monsieur, le seul maître des lieux. Voici le roi meunier, le roi d'Anticosti. Eh bien, merci Mario Brassard de nous parler de l'île Anticosti. C'est tellement important. Même Jesse Lauzon qui est avec nous en faisait référence. Eh bien maintenant, tel que promis, Attaque Québec, la dette du Québec, vérité et mensonge. Plusieurs auteurs intéressants qu'on connaît bien, hein, c'est des amis d'Attaque Québec, dont Chantal Santerre. Et au cours des prochaines émissions, on essaiera d'avoir un des auteurs de chacun de ces chapitres dont on parlera un peu plus en détail. Mais d'abord, bienvenue avec nous, Chantal Santerre. Bonjour, titulaire de baccalauréat d'une maîtrise en sciences comptables. Après avoir travaillé dans différentes firmes comptables, elle a entrepris une carrière d'enseignante en technique administrative au cégep de Saint-Hyacinthe, où elle œuvre toujours. C'est toujours vrai, Chantal? Oui. Oui. Donc, merci d'être avec nous. Vous avez plus qu'un chapitre à votre actif, mais moi, celui qui m'intéresse dans cet ouvrage... Tout encore chaud d'Attaque Québec, la dette du Québec, vérité et mensonge. Et d'ailleurs, on aura une émission spéciale sur le lancement officiel à Québec de ce livre. Pourquoi chiffrer la dette québécoise, Chantal Santerre? Bien, en fait, on parle beaucoup de la dette du Québec, donc la chiffrer, le but de l'article est vraiment de rendre ça plus accessible, plus compréhensible, puis de démystifier un peu aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent le chiffre de la dette québécoise pour faire peur aux gens. Par exemple, dans l'article, justement, je réfère à l'Institut économique de Montréal, qui a sur son site Internet un fameux compteur de la dette avec un chiffre qui tourne rapidement, parce que ça augmente de 224 $ à la seconde. Donc, on a un 279 milliards devant nous, très, très gros chiffre, impressionnant. Et juste en dessous, ben on voit, mettons, dette par contribuable. Donc, les gens sont impressionnés. Donc, c'est comme si chacun de nous, on a une dette de 69 000 $. Donc, c'est un peu pour contrer ce discours-là qui est très alarmiste, que l'article que j'ai écrit donc veut clarifier ces choses-là. Donc, les rendre plus accessibles, montrer que un chiffre comme ça lancé au hasard, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le ramener à quelque chose qui est plus accessible. Donc, le site de l'Institut économique de Montréal donne l'illusion qu'ils font ça en ramenant ça aux contribuables. Mais c'est un peu trompeur en même temps. Donc, j'ai vu dans un de vos intertitres de chapitre, il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes, puis en fait, le Québec n'est pas la Grèce, et cela vaut aussi pour la dette? Oui, ben c'est ça. En fait, au Québec, on a une façon de présenter la dette comme quand on fait une distinction entre bonne et mauvaise dette. C'est vraiment pour dire il y a des dettes qui sont en lien avec des investissements en infrastructure ou pour entretenir nos écoles, toutes ces choses-là. Donc, on dit que ça, c'est une bonne dette, mais celle qui serait liée, si vous voulez, à des déficits qu'on rencontrerait d'année en année, celle-là, ce serait la mauvaise dette. Mais même ce calcul-là est trompeur parce que je l'explique là, bien dans l'article, mais c'est vraiment de vouloir montrer que si on s'endette pour avoir un déficit d'une année à l'autre, c'est une mauvaise dette. Mais c'est vrai que c'est pas une bonne chose qu'on ait des déficits, mais c'est faux qu'il y a une partie de notre dette qui est strictement des déficits. C'est vraiment un calcul trompeur. Au niveau de dire pour la Grèce, bien évidemment, c'est une façon justement de se rendre compte que notre dette n'est pas inquiétante. C'est quand on se compare aussi. Et si on se compare à la Grèce, par exemple, c'est sûr que notre dette est vraiment pas inquiétante. Et même en se comparant à tous les pays de l'OCDE, on est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE au niveau de notre endettement. On n'a pas de problème à avoir... on a une bonne cote de crédit, on n'a jamais de problème à renouveler nos emprunts, on n'est pas tributaire des marchés financiers. Donc ça va bien? Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre à la légère l'endettement, mais la dette du Québec, elle est bien gérée. Et elle n'est pas à un niveau alarmant ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il ne faut pas dire, oh, ben, c'est pas important la dette, c'est pas ça ce qu'on dit, mais c'est vraiment de dire, c'est faux qu'on est dans une situation alarmiste. Et c'est faux de faire croire aux gens que on dépense trop, puis il faut se serrer la ceinture et toutes ces mesures d'austérité-là qu'on essaie de nous faire avaler sous prétexte qu'on est trop endetté, c'est faux aussi. Donc on vit pas au-dessus de nos moyens. Ben non, parce que même si on regarde les dépenses du gouvernement au fil des années, on est en moyenne autour de 21% et ça n'a pas fluctué. Et ça, là, c'est des chiffres qui datent, mettons, si on regarde à partir de 1972. Donc c'est en moyenne, on dépense environ 21% du PIB dans tout ce qui est nos programmes sociaux. Ce sont ce qu'on parle. Donc on n'est pas excessif là. Ce sont ce qu'on parle, on se console là finalement. Là. Oui, tout à fait. Puis en plus, si on regarde aussi au Québec, on des fois, on se compare avec les autres provinces du Québec, du Canada. Ah ben ça, c'est sûr. L'Ontario, là, les libéraux, oui, ils aiment bien se dire « Ah, mais ça. L'Ontario... » Mais ils sont moins endettés que nous, mais c'est vrai qu'ils offrent pas le même panier de services que le Québec. Donc, les garderies à 50 $ par jour, là, dans le centre-ville de Toronto, c'est commun, alors que nous, on est rendu à 7 $ Et voilà. Donc, on a une meilleure qualité de vie au Québec. Ça a un coût. Et donc, c'est pas parce que on est endetté qu'on n'a plus les moyens de se payer ces services-là. Donc, c'est normal qu'un État soit endetté. Tous les États sont endettés. Donc, c'est pas comme l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on compare les finances publiques avec nos finances personnelles. Mais un État, il n'y a pas une durée de vie finie comme un individu. Donc, on peut pas regarder ça de la même façon. Et l'Institut économique de Montréal, quand il dit la dette par contribuable, il veut vraiment nous faire peur parce que il veut nous dire à garder la dette qu'on a. Mais cette dette-là, elle n'est pas à rembourser demain. Et toi, Chantal Santerre, vous connaissez très bien là, comment la dette se comporte, mais d'où vient cette dette? Mais en gros, la dette aussi, c'est des investissements qu'on fait, mais c'est aussi, quand on dit que la dette augmente, c'est parce qu'on la compare à quelque chose. On la compare au PIB, au produit intérieur brut. Donc, le PIB, on peut le traduire par l'activité économique qu'il y a dans un pays. Donc, quand la croissance économique augmente pas suffisamment, ben ça aussi, ça fait augmenter la dette. Parce que quand on calcule la dette par rapport au PIB, c'est par rapport à son activité économique. Donc, ça, c'est une des raisons. Il peut avoir les taux d'intérêt. Mais il y a aussi que le gouvernement, ça fait des années qu'il renonce à certains revenus. Mais la dette n'est pas en croissance. Tu sais, on parle que la dette est en croissance, mais elle n'est pas du tout en croissance au Québec, là. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais Chantal, juste avant que tu nous quittes, parce qu'on approche les délais, pourquoi ne pas s'intéresser à la dette environnementale, à celle de la dégradation du capital naturel, comme tu le dis si bien en conclusion? Mais oui, parce que justement, je mentionne ça parce que on s'inquiète beaucoup des générations futures quand on parle de la dette. Et là, on a un souci d'équité intergénérationnelle. Mais moi, j'aimerais, parce que là, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, la dette, elle va toujours être là, puis elle va suivre notre croissance économique. Mais on paye des dettes d'hier, de demain, on est tous là-dedans, c'est pas grave. Mais la dette environnementale, elle, on peut pas dire comme ça que ça va suivre la croissance économique. C'est vraiment un état d'urgence. Donc, si on a vraiment un souci d'équité intergénérationnelle, moi, je pense que c'est plus vis-à-vis de cette dette-là qu'on devrait commencer à s'alarmer. Tu as bien raison. Alarmer même. C'est un bon grain de sable. On va le dire, là, j'allais dire un mauvais mot de quatre lettres, là, mais en tout cas, laissons faire la dette de chiffres qui intéresse le ministère des Finances. Allons voir la dette qui intéresse plutôt le ministre de l'Environnement. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est pas qu'on veut pas s'en occuper de la dette puis qu'on continue d'être vigilant puis de bien la gérer. Mais si on veut vraiment faire des choses, c'est vraiment de se préoccuper de cette dette environnementale-là qui, elle, peut nous éclater. Madame la comptable, à la face. Merci beaucoup. Chantal merci. Santerre, merci Étienne, merci Jessie Lauzon, merci à tous d'avoir été. Restez avec nous, hein, c'est les geeks, les geeks qu'on attaque. Téléchargez merci, le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1. Intéressé à vivre une expérience de danse? Êtes-vous du genre flamenco? Ou plutôt fervent celtique? Ou peut-être un percussif gumboot sud-africain? Une tendance au traditionnel Québec? Ou encore un genre planète au complet? L'école de danse Migration offre tous ces types de danse cet automne. Inscription maintenant, migrationdanse.com ou 418-684-3132. Du 18 au 28 septembre, l'Orchestre symphonique de Québec rendra hommage à l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Beethoven. Une série d'activités sera présentée à Québec et au Cercle Lab Vivant. Des spectacles pour la famille, des conférences, des concerts et de nombreux autres rendez-vous seront au programme pour célébrer l'œuvre de ce compositeur de génie. Tous les détails sur osq.org